Asseyez-vous. Merci. Ah, une minute. J'ai pas pu m'asseoir tranquillement. J'ai pas pu m'asseoir convenablement. Ah, je pourrais pas vous dire. Allez-y. Dix minutes pour souffler au milieu de la nuit. Pour me boire mon thé et pas moyen de trouver un siège dans le coin. Rien de rien. Non, avec pour ces Grecs, Polonais, Grecs, Noirs, tous ces types-là, c'était tous ces étrangers qui les avaient. Et c'est là qu'on me faisait travailler. On me faisait travailler. C'était tous ces Noirs qui les avaient. Noirs, Grecs, Polonais. Tous ces types-là, exactement. À me piquer ma place. À me traiter comme un chien. Ce soir, quand il est venu me voir, je lui ai dit... Asseyez-vous. Hein? D'accord. Mais ce que je dois faire avant tout, vous voyez, ce que je dois faire pour commencer, c'est décompresser. Oh, là, tu me fais esquinter, là-bas. Vous voulez vous enrouler une? Quoi? Oh non, non, je ne fume jamais de cigarettes. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais prendre un peu de ce tabac-là pour ma pipe, si ça vous va. Bien sûr, allez-y. Servez-vous. Ah, c'est bien aimable à vous, monsieur. Simplement de quoi bourrer ma pipe et rien de plus. Ah. Oh, ben j'avais une boîte comme ça, il n'y a pas si longtemps. Ben on me l'a piqué. On me l'a piqué sur Great West. Je la mets où? Donnez-la-moi. Ce soir. Quand il est venu me voir, je lui ai dit, pas vrai, vous m'avez entendu, non? Je l'ai vu se jeter sur vous. Se jeter sur moi? Vous rigolez, ouais. Le salaud, un homme de mon âge, moi, qui ai dîné aux meilleures tables. Ah oui, je l'ai vu qui se jetait sur vous. Oui, Romain. Tous ces maudits vanupiés, mon vieux, ça c'est seulement se conduire comme des cochons. J'ai peut-être été sur les routes durant quelques années, mais vous pouvez y aller. Je suis propre, je prends soin de moi. C'est pour ça que j'ai quitté ma femme. 15 jours après l'avoir épousée, Oh non, même pas. En plus d'une semaine, je soulève le couvercle d'une casserole et vous savez ce qu'il y avait dedans? Des dessous à elle des sales. Paf. Et c'était pour cuire les légumes, cette casserole. Exprès pour les légumes. Bon, après ça, je l'ai quitté. Je n'ai jamais pu revenir. J'ai été servi aux meilleures tables. Mais je suis plus jeune à présent. Mais je me souviens du temps où j'étais aussi bon que n'importe lequel d'entre eux. Il ne fallait pas prendre des libertés avec moi. Mais je ne suis plus aussi en forme depuis quelque temps. J'ai eu plusieurs attaques. Vous avez vu ce qui est arrivé avec l'autre abruti ? Je n'ai vu que la fin. Ça venait vers moi, me coller la poubelle dans les bras et m'envoyer me la coltiner dans l'arrière-cour. C'est pas à moi de sortir les poubelles. Ils ont un gamin pour sortir les poubelles. J'ai pas été embauché pour sortir les poubelles. Mon boulot à moi, c'est laver par terre, essuyer les tables, faire un peu de vaisselle. Rien à voir avec sortir les poubelles. Hein? Mmh. Ben oui. Et même si c'était le cas, mettons, même si j'étais censé les sortir, ces poubelles. Mais tu sais, t'es ce con pour venir me donner des ordres. On est sur le même pied, hein? C'est pas mon patron, c'est pas mon supérieur. C'était quoi? Un grec? Non, pas lui. C'était un Écossais. Un Écossais d'Écosse. Vous aviez un œil sur lui, n'est-ce pas? Ah oui. Je lui ai dit ce qu'il pouvait en faire de sa poubelle. Pas vrai? Vous étiez là, non? Écoute-moi bien, je lui ai dit. Je suis un vieil homme. Et là où j'ai été élevé, on avait une certaine idée de la manière dont il fallait parler aux vieilles personnes. Avec le respect qui convient. On nous élevait avec des principes. Et si j'avais quelques années de moins, je te foutrais sur la gueule. Bon, ça, c'était après que le proprio m'est viré. Je faisais trop d'histoires qu'il me fait. Tu vois? Oh! Pouf! Et trop d'histoires, moi! Écoutez-moi, je lui ai dit. Je connais mes droits. Pouf! Voilà ce que je lui ai dit. Ben, peut-être que je me suis retrouvé sur les routes, mais personne a davantage de droits que j'en ai. Soyons un peu fair play, j'ai dit. N'empêche qu'il m'a viré. Bon, c'est ce genre d'endroit. Mais si vous n'étiez pas intervenu pour arrêter ce con d'Écossais, je serais à l'hôpital, alors qu'il me serait fendu le crâne s'il m'avait balancé sur le trottoir. Ah, mais j'aurais un de ces soirs, hein, que je me retrouve un peu dans le secteur. Bon. Oh, je sais pas, ça m'ennuie beaucoup, mais j'ai laissé toutes mes affaires là-bas, dans l'arrière-salle. Absolument tout. Il y en a un tas, vous voyez, dans ce sac. Jusqu'à la plus petite miette de tous mes satanés trucs que j'ai laissés là-bas derrière moi. Dans la précipitation de la chose. Mais je suis sûr qu'il est en train de fouiller dedans au moment où je vous parle. J'y ferai un saut, un de ces quatre. Et je vous les rapporterai. En tout cas, je vous suis bien reconnaissant de me laisser de me laisser souffler un peu, disons pour quelques minutes. C'est votre chambre? Oui. Eh ben, vous avez pas mal de trucs, on dirait. Oui. Oui, ben, il y en a pour un paquet de tout ça dans l'ensemble. Il y a de quoi faire. Il y en a pas mal, c'est vrai. Vous dormez, ici? Oui. Quoi? Là-dedans? Ouais. Ah, non, bah, vous devez être à l'abri des courants d'air, ici. On n'a pas trop de vent. Ah oui, bah, vous devez être bien à l'abri. Eh, c'est une autre histoire quand vous crêchez dehors. Sûrement. Bon, du vent et rien d'autre, oui. Oui, quand le vent se lève. Ça. Ah oui. Oui. On se retrouve en plein courant d'air. Ah. Ben, je suis très sensible. Vraiment? Je l'ai toujours été. Vous avez l'autre pièce, alors? Oh. Je veux dire, ici, à l'étage, là, au-dessus. Elles sont pas en état. Oh, et à d'autres. Il y a beaucoup à faire. Et en bas? C'est fermé. Plein de trucs à revoir. Le plancher. Ah. Oh, j'ai eu de la chance que vous mettiez les pieds dans ce café. Ça fait démolir par ce con d'Écossais. Mais... on m'a laissé pour mort plus d'une fois. J'ai remarqué que les rideaux étaient tirés à côté quand nous sommes arrivés. Il y a des voisins. Alors, c'est votre maison. Je m'en occupe. Vous êtes le propriétaire? Oui, j'ai remarqué ces gros rideaux tirés à côté quand nous sommes arrivés. J'ai remarqué ces grands et lourds rideaux là-bas, à la fenêtre. Alors, je pensais qu'il devait y avoir quelqu'un qui habitait là. Une famille d'Indiens habite là. Des Noirs? Je les vois à peine. Des Noirs, voilà. Vous avez pas mal de babioles ici, je dirais. J'aime pas les pièces nues. Je vais vous dire, mon vieux, vous n'auriez pas une paire de chaussures en trop? Les chaussures? Ben, ces salauds du monastère m'ont encore laissé tomber. Où ça? Ben là-bas, à Luton. Le monastère de Luton. J'avais un copain, vous voyez, à Shepherd's Bush. J'en ai peut-être une paire. Oui, une paire de marrons. Alors, j'avais ce copain à Shepherd's Bush. Ben, c'est lui qui m'avait branché sur le monastère, de l'autre côté de Luton. Il avait entendu dire qu'il distribuait des chaussures. On doit toujours avoir une bonne paire de chaussures. Des chaussures? Ben, question de vie ou de mort pour moi. Hey, j'ai dû faire tout le chemin depuis Luton dans celle-ci. Il s'est passé quoi quand vous êtes arrivé là-bas? Je connaissais un cordonnier à Acton. Ah oui, c'était un bon copain. À moi, ça. Mais, oh ben, hey, alors, vous savez pas ce qu'il me fait, ce salaud de moine. Vous avez encore combien de noirs Comme ça, disons, dans le coin. Quoi ? Il y en avait encore beaucoup, des noirs, dans les parages. Regardez si ça te convient. Bon, ben alors, hey, vous savez pas ce qu'il me fait, ce salaud de moine. Ah, je crois qu'elles sont un poil trop petites. Vous croyez ? Ah non, ça me semble pas la bonne pointure. Elles sont pas en mauvais état. Mais ben, je peux pas porter des chaussures qui ne vont pas, hein. Y a rien de pire. Alors, je lui ai fait un swan. Et j'ai dit, regardez un peu, monsieur, j'ai dit. J'ai fait tout chemin jusqu'ici. Regardez, j'ai dit, et je lui ai montré celle-ci. J'ai dit, vous n'auriez pas une paire de chaussures ? Des fois, une paire de chaussures, j'ai dit, qui puisse me tenir la route. Regardez les miennes, elles sont quasiment fichues. J'ai dit, elles ne servent plus à rien. J'ai entendu dire que vous en aviez un stock. Fous-moi le camp, qu'il me dit. Et, attendez un peu, je lui fais. Je suis un vieil homme. Vous ne pouvez pas me parler sur ce ton. Je ne sais pas qui vous êtes. Si tu ne fous pas le camp, il me dit, je vais te reconduire jusqu'à la sortie en te bottant le cul. Bon, alors, écoutez-moi, j'ai dit. Attendez une minute. Tout ce que je demande, c'est une paire de chaussures. Commencez pas à prendre des libertés avec moi. J'ai mis 3 jours pour venir. J'ai dit 3 jours sans manger un morceau. Et quand même le droit de manger un morceau, merde. Alors, fais le tour jusqu'aux cuisines, qu'il me dit. Passe par derrière et quand tu auras mangé, tire-toi. Bref. J'y suis allé dans leur cuisine. Oh. Ce qu'ils m'ont donné à manger. Un moineau, je vous dis. Un petit moineau. Un minuscule petit moineau. Ils vous auraient becqueté ça en moins de 2 minutes. Bon, ils m'ont dit, t'as eu ton repas, tu dégages. Un repas, j'ai dit, mais... Vous me prenez pour quoi ? Pour un chien ? Pas mieux qu'un chien, mais vous me prenez pour quoi ? Pour une bête sauvage ? Et si on reparlait un peu de ces chaussures que j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici parce qu'on m'a dit que vous en donniez ? J'ai bien envie de vous signaler à la mère supérieure. Alors, l'un d'eux, un taré d'Irlandais, s'est précipité sur moi, bah, j'ai filé en vitesse. Moi, j'ai fait un petit détour par Watford, où j'ai pu m'en procurer une paire. Je suis descendu par le nord, et juste après Hendon, la semelle m'a lâché. Alors même que j'étais en train de marcher. Hein. Encore heureux que j'avais emballé les vieilles et que je les avais avec moi, sans quoi mon vieux. Mais j'étais foutu, moi. Essayez-les. Oh, ben, c'est pas une mauvaise paire de chaussures. Elles sont solides. Je dis pas. Hein? Ah oui. C'est loin d'être une mauvaise paire de chaussures. Oh, bah, c'est du super cuir. Hein? Vraiment super. Un type a voulu me refiler du daim l'autre jour. J'ai jamais voulu les mettre. Rien ne vaut le cuir à l'usage. Hein? Le daim, ça tient pas le coup. Ça plisse. C'est taché pour la vie en moins de 5 minutes. Oh ben non, mais il n'y a pas mieux que le cuir, hein? Eh ben oui, en voilà de la bonne chaussure. Bon. Sauf qu'elles vont pas. Oh. Non. J'ai le pied très large. Mmh. Celles-ci sont trop pointues. Vous voyez? Oh. Ouf. Mais elles m'ont estropié dans la semaine. Je veux dire, celles que j'ai là, bah, c'est pas des bonnes, mais au moins, elles sont confortables. Bon, ben, bah, elles valent pas grand-chose, mais bon, elles me plaisent pas. En tout cas, monsieur, merci quand même. Je vais voir ce que je peux vous trouver. D'accord, je peux pas rester comme ça, moi. Je peux pas faire tout ce que j'ai à faire dans ces conditions, là. Il va falloir que je me remue, hein, pour essayer de trouver quelque chose. Vous devez aller où ? Oh ben, j'ai 2 ou 3 trucs en train. Ben, j'attends que la météo s'arrange. Ça vous dirait de dormir ici? Ici? Vous pouvez dormir ici, si vous voulez. Si? De ma foi, j'en sais rien. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Ah bon, que c'est... Que vous ayez eu le temps de vous retourner. Non, ben ça, je vais trouver quelque chose. Dans pas longtemps. Et je dormirai où? Ici. Les autres pièces, elles vous conviendraient pas. Ici? Où ça? Il y a un lit. Là, derrière. Ah, je vois. Ça c'est pratique. Ça je vais vous dire. Je vais me laisser tenter. Le temps de me retourner. Vous avez pas mal de mobilier ici. Déniché à droite et à gauche. Je garde ça ici pour le moment. J'ai pensé que ça pourrait se montrer utile. Et cette cuisinière, est-ce qu'elle marche? Non. Ah, on fait quoi pour avoir une tasse de thé? Rien. C'est un peu raide. Hein? Mais vous construisez quelque chose? Je vais sans doute construire une cabane derrière. Ah, menuisier, hein? Oh, vous avez de la pelouse. Venez voir. Elle m'a l'air un peu drue. Ça a trop poussé. Et ça, c'est quoi? Un bassin? Oui. Vous avez quoi? Des poissons? Non, il n'y a rien. Il est vide. Vous allez la mettre où, votre cabane? Il faut d'abord que je nettoie le jardin. Mon vieux, il va vous falloir un tracteur. Je vais me débrouiller. J'aime bien travailler avec mes mains. Qu'est-ce que c'est? C'est un Bouddha. Sans blague. Ouais, j'aime bien. Je l'ai déniché dans un magasin. Il m'a tapé dans l'œil, je sais pas pourquoi. Vous pensez quoi, les Bouddhas? Ils sont parfaits, non? Eh, ça m'a fait plaisir de tomber sur celui-là. Il est vraiment bien fait. C'est le lit en question, n'est-ce pas? On va débarrasser tout ça. Oui. L'escabeau va aller sous le lit. Mm-hmm. Et ça? Ça aussi. Je crois que ça va aller en dessous. Je vais vous donner un coup de main, là. Dis donc. Ça fait une tonne. Là-dessous. Il sert à rien, alors. Non, je vais le virer. Il y a des toilettes à l'étage. Il y a un évier aussi. Vous les partagez pas, au moins? Quoi? Je veux dire... Vous partagez pas les toilettes avec les noirs d'un côté, non? On est sur le même palier. Mais ils viennent pas ici. Ah non, parce que vous savez, faut être juste, quoi. Vous voyez pas une valise bleue? Une valise bleue? Là, regardez, derrière le fauteuil. Il est chouette, ce drap. La couverture est sans doute un peu poussiéreuse. Vous cassez pas la tête pour ça. Vous en êtes où? Question argent. Maintenant, monsieur, Si vous voulez savoir la vérité, je suis un peu à court. Voilà quelques shillings. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est bien aimable. C'est juste que je me trouve un peu à court en ce moment. Vous voyez, j'ai rien touché pour tout mon boulot de la semaine dernière. Voilà où j'en suis, quoi. Ben, voilà ce que c'est. Je suis entré dans un pub l'autre jour. J'ai commandé une Guinness. On me l'a servi dans une chope épaisse comme le doigt. Je me suis assis, mais j'ai pas pu la boire. Je peux pas boire une Guinness dans un verre épais. Je l'aime que dans un verre fin. J'en ai bu quelques gorgées, mais j'ai pas pu la finir. Si au moins la météo pouvait s'arranger. Voilà, comme ça, je pourrais descendre à Sidcup. Sidcup? Ouais, cette foutue météo est tellement pourrie. Comment est-ce que je pourrais descendre à Sidcup dans ces chaussures? Pourquoi vous voulez descendre à Sidcup? J'ai mes papiers là-bas. Pourquoi? J'ai mes papiers là-bas. Qu'est-ce qu'ils font à Sidcup, vos papiers? C'est un type que je connais qui les a, mes papiers. Je vais laisser. Vous comprenez? Ils prouvent qui je suis. Je ne peux pas me promener sans ces papiers. Ils disent qui je suis, vous voyez? Ben, sans eux, je suis coincé. Pourquoi ça? Ben, ce que c'est, vous voyez, c'est que j'ai changé de nom. Bon, ça fait des années. Je circule sous un nom d'emprunt. C'est pas mon vrai nom. C'est quoi votre nom d'emprunt? Jenkins. Bernard Jenkins. C'est mon nom. En tout cas, c'est celui sous lequel on me connaît. Mais ça ne me sert à rien de continuer avec ce nom. Ça ne me donne aucun droit. Regardez, j'ai une carte d'assurance au nom de Jenkins. Vous voyez, regardez. Bernard Jenkins. Regardez, il y a 4 tampons là-dessus. 4, il y en a. Mais vous croyez que ça m'avance? C'est pas mon vrai nom. Ben, ils vont finir par s'en apercevoir, ils vont me baiser. 4 tampons. Ça m'a pas coûté des pénises, hein. Ça m'a coûté des livres. Des livres, ça m'a coûté pas des pénises. Il y avait d'autres tampons, des tas, mais ils ont pas mis ces faces de cul. Hein. J'ai jamais pu trouver le temps de régler tout ça. Alors c'est quoi votre vrai nom? Davis. Mac Davis. C'était avant que j'en change. J'ai l'impression que vous devriez mettre tout ça en ordre. Ah, si seulement je pouvais descendre à Sidcup. Ben j'attends que la météo s'arrange. Mais il y a mes papiers, le gars à qui je les ai laissés. C'est tout, noir sur blanc. Je peux tout prouver. Il les a depuis longtemps? Quoi? Il les a depuis longtemps? Oh, ben ça doit faire... C'était pendant la guerre. Ah, ça doit faire pas loin d'une quinzaine d'années. Quand vous voudrez vous coucher, vous gênez pas, vous occupez pas de moi. Oh, ma foi, je crois que je vais y aller. Je me sens un peu lessivé. Oh, je peux mettre tout ça ici. Ouais. Oh, ben, je vois que vous avez un saut là-haut. Une fuite. Oh. Bon, ben, je vais donc essayer votre lit. Vous vous couchez pas? Je vais arranger cette prise. Ah. Ah, dites, on peut pas la bouger, non? Trop lourde. Ah oui. Ah, oh, pas mal. Oh, pas mal. Sympa, celui. Je crois que je vais pouvoir y dormir. Faut que je trouve un abat-jour pour cette lampe. La lumière est un peu éblouissante. Ah bah, vous cassez pas la tête pour ça, monsieur. Vous cassez pas pour ça, bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien. Ah. Ah. D'accord. Bien dormi ? Ah oui, oui, oui. Comme une masse. Ouh, j'ai dû tomber raide. Vous, Ouais, ouais. Est-ce que vous rêviez ou quelque chose dans ce goût-là? Si je rêvais? Oui. Non, je rêve pas. Et j'en ai rêvé. Non? Moi non plus. Non, moi non plus. Et pourquoi vous me demandez? Vous faisiez des bruits. Qui ça? Vous? Minute. Hein. Attendez, une minute. Vous voulez dire quoi, au juste? Quel genre de bruit? Vous poussiez des gémissements ou vous marmonniez? Je marmonnais? Moi? Oui. Oh, je marmonne pas, mon vieux. Personne ne m'a encore jamais dit ça. Pourquoi est-ce que j'aurais marmonné? J'en sais rien. Ah non, non, mais... Non, je veux dire... Tout ça n'a aucun sens, hein. On n'a encore jamais dit ça. Ben, il y a erreur sur la personne, l'ami. Non, vous m'avez réveillé. Je me suis dit que vous étiez peut-être en train de rêver. Ben, je n'étais pas en train de rêver, j'ai jamais fait un seul rêve de toute ma vie. C'était peut-être à cause du lit? Il n'y a rien qui ne va pas avec celui. Et vous êtes peut-être un peu étranger? Il n'y a rien qui me soit étranger avec ce lit. J'ai déjà dormi dans des lits. Je ne fais pas des bruits parce que je dors dans un lit. J'ai dormi dans des tas de lits. Oh ben, je vais vous dire. Peut-être que c'était ces noirs. Quoi? Ces bruits. Quels noirs? Ben, ceux que vous avez à côté. Peut-être que c'était ces noirs qui faisaient ces bruits et ça passait à travers les murs. Mmh. Ouais, c'est mon point de vue. Hein? Où est-ce que vous allez? Vous sortez? Ouais. Alors, attendez une minute. Juste une minute. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous me jouez bien avec vous. Pourquoi ça? Je ferais mieux de sortir avec vous de toute façon. Pourquoi? Ben, vous voulez pas que je sorte? Pourquoi faire? Non, je veux dire, quand vous êtes sorti, vous voulez pas que je sorte quand vous êtes sorti? Il n'y a rien qui vous oblige à sortir. Quoi? Je peux rester ici? Si ça vous chante. Vous n'êtes pas obligé de sortir simplement parce que je sors. Ça vous ennuie pas que je reste ici? J'ai deux jeux de clés. Une pour cette porte, et l'autre pour la porte d'entrée. Ah, oh, merci. Merci beaucoup. C'est très aimable à vous. Merci. Je crois que je vais aller faire une petite promenade jusqu'au bout de la rue. Une petite... un genre de petite boutique. Ils avaient une scie à chantourner l'autre jour. J'avoue que j'étais plutôt emballé. Une scie à chantourner, l'ami. Oui, ça pourrait vraiment servir. Ah oui, ça. Et donc, c'est donc quoi, au juste? Une scie à chantourner? Enfin, c'est de la même famille que la scie. Mais bon, c'est plutôt un accessoire pour l'adapter à une perceuse. Ah, d'accord. C'est drôlement pratique. C'est sûr. Vous savez, j'étais assis dans un café l'autre jour et par hasard, j'étais assis à la même table que cette femme. Bon, nous avons commencé à entamer la conversation. Je ne sais pas à propos de ses vacances, enfin bon, où elle était allée. Elle était allée sur la côte. Je ne me rappelle plus où exactement. En tout cas, nous étions tranquillement assis, nous avions cette petite conversation, quand tout à coup, elle pose sa main sur la mienne et elle me dit « Ça vous dirait que je jette un coup d'œil sur votre corps ?» Sans déconner ! Ouais. De sortir ça comme ça, au beau milieu de la conversation, j'avoue que ça m'a semblé un poil bizarre. Mais elle me disait la même chose. Vraiment? Les femmes, quoi. Je compte pas les fois où elles m'ont entrepris pour me demander plus ou moins la même chose. Vous avez dit que c'était quoi votre nom déjà? Bernard Jenkins. C'est mon nom d'emprunt. Non, l'autre. Oh, Davis. Mac Davis. Vous n'êtes pas gallois. Hein? Vous êtes gallois? J'ai tourné à droite et à gauche, vous savez. Alors, ce que je veux dire, c'est par-ci, par-là. Alors, vous êtes né où? Bon, ben, alors, où vous voulez en venir? Où est-ce que vous êtes né? Ah, où je... Ah, ça, c'est un peu compliqué, quoi. De revenir en arrière. Vous comprenez? De revenir tout ce chemin, là, on perd un peu le fil, quoi. Ben, vous comprenez. Vous voyez cette prise? Branchez-le, ce petit radiateur, si vous voulez. Entendu, monsieur. Vous avez juste à le brancher. Entendu, monsieur. Et je dois faire quoi, hein? Simplement l'allumer, c'est tout. Ça marchera tout seul. Bon, ben, je vais dire quoi? Je vais pas m'embêter avec ça. Aucun problème. Oh non, j'aime pas beaucoup ces trucs-là, moi. Ça devrait marcher. Et voilà. À propos, j'allais vous demander, monsieur, au sujet de cette cuisinière. Je veux dire, vous croyez pas que ça peut laisser échapper du... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas branché. Non, mais vous voyez, l'ennui, c'est qu'elle est juste à la tête de mon lit. Vous voyez, alors... Je dois faire attention à ne pas cogner l'un de ces robinets à gaz avec mon épaule quand je me lève, là. Vous me suivez? Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Bon, bah alors écoutez-moi, vous ne faites pas de bourreau à cause de ça. Tout ce que je vais faire, c'est de jeter un coup d'œil sur ces robinets de temps en temps. Voilà ce que je vais faire pour m'assurer qu'ils sont bien fermés. J'en fais mon affaire. Non, je ne pense pas que ça puisse. Ah, juste une chose, monsieur. Vous ne pourriez pas me glisser un ou deux shillings pour une tasse de thé, vous savez. Je vous en ai donné hier soir. Hein? Vous l'avez fait? Vous m'avez donné. Oh, ben... J'avais oublié. Ça m'était sorti de la tête. Oh, mais c'est juste. Oh, mais... Merci, monsieur. Écoutez, vous êtes vraiment sûr, cette fois vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas que je reste ici? Je veux dire, je suis pas le genre d'homme à vouloir prendre quelque liberté que ce soit. Non, aucun problème. Ah, bon. Alors, j'irai peut-être jusqu'à Wembley, un peu plus tard. Uh-huh. Hein? Oui, il y a un troquet là-bas. Alors, ça se pourrait d'y trouver quelque chose. J'y suis déjà allé, et je sais qu'ils étaient un peu en demande de personnel. Bon, ben, ce qu'ils veulent faire, bien sûr, c'est d'essayer d'éliminer tous ces étrangers. Vous voyez, dans la restauration, ils veulent un Anglais pour servir le thé. Non. Voilà ce qu'ils veulent. Ben, assurez-toi, ben, corps et appui. C'est qu'une question de bon sens, non? Ah, mais hey, j'ai tout ça en train, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Ben, si seulement je pouvais aller là-bas. Mmh. Bon, alors, à plus tard. Eh ben oui, d'accord. Ah, ah. Va falloir que je tienne ce truc à l'œil. En attendant, j'ai dormi d'une traite. Mais je fais pas des bruits. Je fais pas des bruits, moi. Pourquoi? Quel bazar! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent avec tous ces journaux? Eh ben, il y en a un sacré paquet. C'est vraiment pas beau, ça. Hein? Quel bazar! Mais regardez-moi tout ça! Jusqu'où? Tiens, c'est quoi ça? Fermé à clé. Ah. Il va y avoir quelque chose là-dedans. Un fer épaisse. Aval! Aval! C'est quoi le jeu? Alors? Rien. Rien. Rien. Comment tu t'appelles? Je vous connais pas. Je sais pas. Mais attends! Jenkins! Jenkins? Oui. Jenkins. Oui. T'as dormi ici la nuit dernière? Oui. Bien dormi? Oui. Je suis vraiment content. Je suis vraiment ravi de te rencontrer. Comment tu dis que tu t'appelles? Jenkins. Pardon? Jenkins! Jenkins! Tu me rappelles un frère de mon oncle. Cet homme-là n'est pas en place. Jamais sans son passeport. Toujours un œil sur les filles, hein. Environ ta carrure, plutôt athlétique, champion de saut en longueur. Il avait coutume, au moment de Noël, de faire une démonstration des différentes manières de prendre son élan. Au milieu du salon. Et il avait un faible pour les noix en tout genre. Mais c'était comme ça, hein, une espèce de penchant, rien d'autre. Il en avait jamais assez. Cacahuètes, noix, noix du Brésil, noix de cajou. Il aurait jamais touché une tranche de quelque fruit. Il possédait un merveilleux chronomètre qui s'était procuré à Hong Kong 24 heures après s'être fait virer l'armée du salut. Et il portait le numéro 4 dans un Dagenham Reserve. C'est avant qu'il assoive sa médaille d'or. Il avait la drôle de manie de transporter son violon dans son dos, comme un bébé peau rouge. Je crois qu'il avait un peu de l'Indien chez lui. Et pour être honnête, j'ai jamais pu comprendre comment il en était arrivé à être le frère de mon oncle. Moi, j'ai souvent pensé que c'était le contraire. Je veux dire que mon oncle était son frère et que c'était lui qui était mon oncle. Mais je l'ai jamais appelé mon oncle. En fait, je l'appelais Sid. Et ma mère aussi, elle l'appelait Sid. C'est un sacré business. Il était ton portrait tout craché. Il a épousé un Chinois. Et il s'est envolé pour la Jamaïque. J'espère que t'as bien dormi la nuit dernière. Écoutez, je sais pas qui vous êtes. Dans quel lit t'as dormi? Alors maintenant, écoutez... Hé! Celui-là! Pas l'autre! Non, difficile! Ma chambre te plaît? Votre chambre? Ouais, mais... C'est pas votre chambre, je sais pas qui vous êtes encore jamais vu, moi, ah, crois-le ou non, hein, mais t'as une sacrée ressemblance avec un type que j'ai connu à Shoreditch autrefois. Bon, à vrai dire, il vivait à Aldgate, et moi j'habitais à Camden avec un cousin. Mais ce type, quand je l'ai connu un peu mieux, j'ai appris qu'il avait été élevé à Putney. Pour moi, ça fait aucune différence, hein. Je connais pas mal de gens qui sont nés à Putney. S'ils sont pas nés à Putney, ils sont nés à Fulham. Mais le hic, c'est qu'il était pas né à Putney. Il avait seulement été élevé à Putney. C'est avéré qu'il était né à Caledonian Road, juste avant d'arriver à Naxhead. Sa vieille maman habitait toujours à l'Angel, tous les bus passaient juste devant sa porte. Elle pouvait prendre le 38, le 581, le 30, le 38A, descendre Essex Road en direction de Dalston Junction et y être en moins de deux. Bon, évidemment, si elle grimpait dans le 30, il la prenait sur Upper Street et lui faisait faire le tour par Highbury Corner. Et ben, elle se retrouvait quand même à Dalston Junction pour finir. C'est une sacrée histoire. Il était ton portrait tout craché. Le nez un peu plus fort, mais ça fait pas une grande différence. T'as dormi ici la nuit dernière? Oui. Bien dormi? Oui. T'as vu que le vieux cours de la nuit? Non. Comment tu t'appelles? Bon, maintenant, écoutez... Comment? Jenkins! T'as dormi ici cette nuit? T'as dormi comment? Bien dormi? Dans quel lit? Celui-là! Pas l'autre! Non, difficile! Pour... Monsieur est difficile. T'as dormi comment dans ce lit? Très bien. Ça n'a pas été trop inconfortable? Très bien, je vous dis très bien. T'es étranger? Né et élevé dans les îles britanniques. Mort. Et qu'est-ce qu'on t'a appris dans les îles britanniques? Mon lit t'a plu? C'est mon lit. Ah, c'est pour te méfier de pas choper un courant d'air. Dans le lit? Ah non, dans ton cul pour l'instant. Voilà. T'as l'intention de t'installer ici? Arrête maintenant, mon pantalon! T'installe ici pour longtemps! Donnez-moi mon putain de pantalon! Pourquoi tu comptes aller où? Donnez-le moi, je m'en vais! Je m'en vais à Sidcote! Tu sais, tu me rappelles un petit cas, je suis tombé l'autre jour, juste de l'autre côté de la bretelle. On m'a amené ici. Pardon. On m'a amené ici, on m'a amené. Ici. Ah, ici, ouais, qui t'a amené ici? L'homme qui vit ici. Son baratineur. On m'a amené ici la nuit dernière. Rencontré dans un café. Je travaillais, j'ai été viré là. Là où je travaillais, ce type m'a sauvé d'une bagarre. Il m'a amené ici, il m'a amené ici, tout droit. Oh bah, j'ai bien peur que tu sois qu'un fiefé baratineur, tu sais. T'es en train de parler au propriétaire. Cette chambre, c'est la mienne, t'es dans ma maison. C'est la sienne. Il s'inquiétait pour moi. C'est mon lit. Mais celui-là, alors? C'est le lit de ma mère. Bah, elle était pas dedans la nuit dernière. Fais pas le malin, fils. Fais pas le malin, garde bien tes distances avec ma vieille maman. Je suis pas... T'aventures pas trop loin, l'ami. Commence pas à prendre des libertés avec ma vieille mère. Ayons un peu de respect. J'ai du respect. J'en ai, vous trouvez, personne t'en a plus que moi. D'accord, alors arrête de me raconter des blagues. Bon, écoutez-moi. Écoutez. Je vous ai encore jamais vu. Pas vrai? Et bien sûr, tu vas me dire que t'as jamais vu ma mère non plus. Non. Oh. Tu sais, je crois que j'en arrive à la conclusion que t'es qu'une vieille fripouille. Mais t'es rien d'autre qu'une vieille crapule. Ah non, mais là, attends. Non, écoute, fils. Fiston. Oh, tu pues. Bon, mais vous n'avez pas le droit. Oh, mais ton père, c'est toute la baraque. Mais t'es qu'un vieil arnaqueur. Oh, oh. Viens pas à sortir de là. Un vieux pourri. Un foutu sauvage. T'as pas ta place dans un endroit aussi chouette qu'ici. Je pourrais en tirer 7 livres par semaine si je voulais. Je trouve preneur dès demain. 350 par an, sans les charges, sans discuter. D'ailleurs, si c'est dans tes moyens, n'hésite pas à l'annoncer, c'est pour toi. Mobilier et installation, je prendrai 400. Valeur locative imposable de 90 livres par an. Faudra compter environ 50 pour l'eau, chauffage et la lumière. Ça ira chercher dans les 890 pour celui qui sera vraiment emballé. T'as qu'un mot à dire et mon notaire te rédige un contrat. Mais sinon... J'ai ma camionnette d'or. Je peux te conduire tout droit au commissariat en 5 minutes et te faire coffrer pour une violation de domicile, délit d'intention, cambriolage de jour, chapardage, vol... Et un puantissement de baraque. Qu'est-ce que t'en dis? À moins que tu n'envisages sérieusement une franche acquisition, bien entendu. Je commencerai par demander à mon frère de t'arranger tout ça. Mon frère, c'est un décorateur de première, il le fera pour toi. Si t'as besoin de plus de place, il y a 4 pièces supplémentaires à l'étage qui ne manquent que ça. Salle de bain, salon, chambre, nurserie. Tu pourras t'en servir comme bureau. Le frère dont je t'ai parlé, il est sur le point de s'y attaquer. D'un jour à l'autre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Disons 800 et quelques pour cette pièce, ou 3000 pour tout l'étage du dessus, d'un autre côté. Si tu préfères considérer l'affaire sur le long terme, je connais une compagnie d'assurance à West Ham. Tu seras ravi de conclure le marché en ton nom, sans condition et dans la transparence. Réputation sans tâche, dépôt 50%, 20% d'intérêt. Bon, bien entendu, faudra une déclaration signée de ton médecin traitant, comme quoi tu disposes de la bonne santé requise pour porter le chapeau. On est bien d'accord? On est bien d'accord? T'es à quelle banque? Hein? T'es à quelle banque? Il y a toujours cette fuite. Oui. Ça vient du toit. Du toit, hein? Oui. Il va falloir que je colmate ça au goudron. Tu vas colmater ça au goudron? Oui. Colmater quoi? Les fissures. Tu vas colmater les fissures du toit au goudron? Oui. Et tu crois que ça va marcher? Ça va marcher pendant un moment. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand le seau est plein? On le vide. J'étais en train de dire à mon ami non, vous allez bientôt t'attaquer à la déco des pièces. Oui. J'ai récupéré votre sac. Ah, merci. Merci, ils vous l'ont donné. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, c'est mon sac. J'ai déjà vu ça quelque part. C'est mon sac. Ce sac me semble très familier. C'est ce que vous voulez dire. Vous l'avez trouvé où? Non, laissez tomber. Mais c'est à moi. À qui? Mais c'est le mien. Dites-lui que c'est le mien. C'est ton sac. Donnez-le-moi. Je donne-lui son sac. Non, quoi? Je donne quoi? Ce putain de sac. Quel sac? Quel sac? Là, où tu vas? Où tu vas? Allez chercher. Oh. Mais fais gaffe à la marche, fiston. T'arrives en trompe dans une propriété privée. Tu laisses traîner tes pattes partout où elles peuvent traîner. Dépasse pas les bancs, fils. Espèce de sabreur. Espèce d'enfoiré de voleur. Laissez-moi pas ton frac. Monte. Alors. Comment ça s'est passé à Wembley? J'y suis pas allé. Bah non, j'y prends plus avec deux pauvres. J'ai vraiment pas eu de peau avec cette scie à chantourner. Quand je suis arrivé, elle n'était plus là. C'était qui, ce dingue? C'est mon frère. Vraiment, c'est un petit rigolo, hein? C'est un vrai marrant. Il a le sens de l'humour. Oui, oui, j'ai remarqué. Un vrai rigolo, ce gars-là, ça se voit tout de suite. Oui. Oui, il a tendance. Il a tendance à voir le côté amusant des choses. Enfin, il a le sens de l'humour, pas vrai? Oui. Oui. Bah oui, on peut dire ça. Au premier coup d'œil, j'ai su qu'il avait sa propre manière de voir les choses. Je suis censé remettre tout le haut en état pour lui. Quoi? Vous voulez dire que c'est sa maison? Oui. Je suis censé refaire toute la décoration pour lui, à l'étage, en faire un appartement. Il est dans quoi? Il est dans le bâtiment. Il a sa propre camionnette. Mais il vit pas ici, non? Quand j'aurai construit cette cabane dehors, je pourrais me consacrer un peu plus à l'appartement, vous voyez. Peut-être que je pourrais même bricoler deux ou trois petites choses vite fait. Je peux travailler avec mes mains, vous savez, j'en suis tout à fait capable. J'en étais pas conscient avant, mais je peux faire toutes sortes de choses maintenant avec mes mains. Du travail manuel. Quand j'aurai construit cette cabane dehors, j'aurai un atelier. Vous voyez, je pourrais faire un peu de menuiserie. Bon, de la menuiserie toute simple, pour commencer, en travaillant avec du bon bois. Bien sûr, il y a beaucoup à faire ici. Ce que je pense d'ailleurs, je pense que je vais monter une cloison dans une des chambres au-dessus. Je pense que ça ira. Mais vous savez, il y a aussi ces espèces de paravents, vous savez, de style oriental. Ça peut servir à cloisonner une chambre, la diviser en deux. Alors, soit je fais ça, soit je monte une cloison. Peut-être que je pourrais même la bricoler moi-même, vous voyez, si j'avais un atelier. En tout cas, je crois que je me suis décidé pour la cloison. Hey! Écoutez-moi, j'étais en train de penser, c'est pas mon sac. Ah non, c'est pas mon sac. Mon sac, c'est un genre de sac complètement différent, vous voyez. Ah mais je sais ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont gardé mon sac, ils vous en ont donné un autre. Complètement différent. Non, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est parti avec votre sac. Eh ben, c'est bien ce que je dis. De toute façon, j'ai trouvé celui-là ailleurs. Il y a quelques vêtements à l'intérieur, j'ai eu le tout pour pas cher. Il y a les chaussures. Oh. Ah, Caro. Ouais. Oh, oui, ben je connais ce genre de chemise, vous savez. Ce genre de chemise en hiver, on va pas loin avec. Ça, c'est une chose que je sais d'expérience. Hein. Mais non, ce qu'il me faut, c'est le genre de chemise à rayures. Une solide et bonne chemise avec des rayures qui descendent du haut jusqu'en bas. Hein. Tout ce que je demande. Oh, ben. C'est quoi, ça? Une veste d'intérieur. Une veste d'intérieur. Ben, voilà, un truc pas trop mal, non? Voyons voir comment ça me va. Vous n'auriez pas une glace, des fois? Je crois pas, non. Non, non ben, ça me va pas trop mal, non? Ça donne quoi, à votre avis? Ça paraît bien. Ouais. Ouais, bon ben alors, pour ça, je dis pas non. Oh. Non, je vais pas dire non à ce machin-là. Vous pourriez être le gardien ici, si ça vous dit. Quoi? Vous pourriez vous occuper de la maison, si ça vous dit. Vous savez, les escaliers, l'étage, l'entrée, surveiller tout ça. Astiquer les sonnettes. Les sonnettes? Je vais en installer quelques-unes en bas, à l'entrée. En cuivre. Faire le gardien, hein? Oui. Ma foi, encore jamais fait, le gardien, vous savez. Enfin, j'entends, j'ai jamais... Enfin, ce que je veux dire, j'ai encore jamais été gardien. Alors, ça vous dirait de le devenir? Ben, une fois, j'estime... Ben, j'ai besoin de savoir, vous savez. Quel genre de... Oui, quel genre de... Vous savez. Eh bien, je pense que... Non, je veux dire, il faudrait que je sache. Eh bien, je pourrais vous le dire. Ben, c'est ça, vous voyez, vous me suivez. Quand le moment sera venu. Eh bien, je veux dire, c'est là où je veux en venir, vous voyez. Plus ou moins précisément. Non, ben, alors, vous voyez ce que je veux dire. Là où je veux en venir, je veux dire... quel genre de travaux, ben. Eh bien, des trucs comme les escaliers et aussi les sonnettes. Mais il y aurait la question, n'est-ce pas? Il y aurait la question des balais, n'est-ce pas? Oui. Et bien sûr, il vous faudrait également des brosses. Oui, il faudrait des ustensiles, vous voyez? Il faudrait pas mal d'ustensiles. Vous pourriez mettre ça, si vous voulez. Oh, ben c'est chouette, ça. Non? Ça protégerait de la poussière. Ah oui, ça protégerait de la poussière. Ça, c'est sûr. Ah oui, pas mal. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait... Bon, je pourrais installer une sonnette à l'entrée, sur la rue, avec « gardien » écrit dessus. Et vous pourriez répondre aux gens qui se présentent. Oh là, oh là, oh, oh, oh, oh, oh là. Oh là, ça, j'en sais trop rien, là. Pourquoi pas? Ah, ben, je veux dire, on sait jamais qui peut se pointer devant la porte, n'est-ce pas? Ben, je dois prendre un minimum de précautions. Pourquoi? Ben, On en a après vous. Eh? Après moi? Ben... Ben, ce con d'Écossais pourrait en avoir après moi, non? Alors, imaginez un peu... J'entendrai la sonnette, je descendrai, j'ouvrirai la porte, et qui serait là? Et là-bas. Ça pourrait être n'importe qui. Je pourrais l'avoir dans le cul aussi facilement que ça, mon vieux. Eh, peut-être... À cause de ma carte, je veux dire, visez-moi ça, me voilà avec mes 4 tampons sur cette carte. Tenez, regardez, 4 tampons, c'est tout ce que j'ai, j'en ai pas un de plus, c'est tout ce que j'ai. Bon ben, il sonne où c'est marqué gardien, et il me coince. Voilà ce qui va se passer, on ne laissera pas la moindre chance. Oh ben, bien entendu, j'ai un tas d'autres cartes. Ils traînent à droite et à gauche. Mais ils en savent rien. Et ça, je peux pas leur dire. Parce que là, ils s'apercevraient que je me balade sous un nom d'enfant. Vous voyez le nom que je porte aujourd'hui? C'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom n'est pas celui que j'utilise. Vous comprenez? C'est pas le même. Vous voyez? Le nom sous lequel je me présente aujourd'hui, c'est pas mon vrai nom. C'est un nom d'emprunt. Oh, ben... Thank you. quoi encore? Oh, il y a quoi avec cette putain de lumière? On me dit pour cette putain de lumière énorme maintenant. Qu'est-ce que je fais sans cette putain de lumière? J'y vois calme. Bon, ben voilà. Oh. Mais où est cette foutue boîte? C'est quoi ça? C'est quoi? Qui est là? Allez, quoi? Il y a quelqu'un? J'ai un couteau sur moi! Alors amenez-vous! Montrez-vous! Je suis prêt! Je suis en plein nettoyage de printemps. Il y avait cette prise murale pour l'aspirateur, mais elle a cramé. J'ai dû me brancher dans la douille de l'ampoule. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais lui donner un bon coup. On s'y met à tour de rôle, mon frère et moi. Tous les 15 jours. On fait un nettoyage complet. J'ai travaillé tard ce soir. Je viens juste d'arriver, mais bon, comme c'était mon tour, je me suis dit que je ferais mieux de m'y mettre. C'est pas que j'habite ici en ce moment, en fait. Je vis ailleurs, mais bon. Après tout, je suis responsable de l'entretien des lieux. Hein. Je peux pas m'empêcher d'être fier que la maison soit bien tenue. Mais pas pour quelle... Et pour quelle raison vous achetez ça dans tous les sens? Un pas plus! Je te prie. Je vous ai fait peur. Ah, je suis désolé. Vous savez, c'est aussi à vous que je pensais. Je veux dire, à l'invité de mon frère. Nous devons penser à votre confort. Et la poussière ne vienne pas vous chatouiller les narines. À propos, combien de temps vous pensez rester ici? Que justement, j'allais suggérer de réduire votre loyer, de le ramener à une somme symbolique. La patte, voilà. Et maintenant, si vous devenez vraiment agressif, je vais devoir reconsidérer toute ma proposition. Ah, ça, j'ai... Vous n'avez pas dans l'idée d'exercer des violences contre moi, j'espère. Vous n'êtes pas du genre violent, j'espère. C'est pas pour habitude de la ramener, mon vieux. Mais si on me cherche, on me trouve. Je veux bien le croire. Vous pouvez. J'ai roulé ma bosse. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas venir me chercher. J'en sois 5 sur 5. C'est pas contre une petite plaisanterie de temps en temps. Mais pas plus, quoi. Exactement, face. Paul. Ah, vous faites quoi, là? Je suis très impressionné. Hein? Je suis très impressionné par ce que vous venez de me dire. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Enfin, en tout cas, je suis impressionné, quoi. Ouais. Vous m'avez bien enregistré, alors. Oui, très bien. Je crois que nous nous comprenons l'un l'autre. Oui? Eh ben, je vous dis... J'aimerais en être sûr. Hein? Vous êtes bien payé ma tête, vous savez. Je sais pas pourquoi. Je vous ai jamais rien fait. Mais non, ah, vous savez ce qui s'est passé? Nous sommes tout bêtement partis du mauvais pied. Voilà ce qui s'est passé. Ah ouais, je veux, ouais. Ça vous dit un sandwich? Quoi? Allez, prenez-en un. Ah ben, essayez pas de m'avoir, hein? Non, vous ne comprenez toujours pas. Je peux pas m'empêcher d'être intéressé par les amis de mon frère, hein. Vous êtes bien ami de mon frère, non? Bah, j'irai pas jusqu'à dire ça. Vous diriez pas qu'il est votre ami? Ma foi, ami, on est pas tant que ça. J'entends, il n'a jamais rien fait, mais je dirais pas qu'il est particulièrement mon ami. C'est un sandwich à quoi, ça? Au fromage? Ah bah, ça me va bien. Prenez-en un. Ah, merci, monsieur. Ça me fait de la peine d'apprendre que mon frère compte pas parmi vos amis. Oh, mais si! Mais si, j'ai jamais dit. Tu sais? Non, on le sent. J'arrive pas à le piger, c'est tout. Écoutez, je peux vous demander un conseil? Je veux dire, vous êtes un homme d'expérience, hein. Je peux vous demander un conseil à propos de quelque chose? Bon, vous gênez pas. Bien, vous voyez, je suis un peu embêté au sujet de mon frère. Votre frère? Ouais. Vous voyez, son problème, c'est... C'est quoi? C'est pas un truc très facile à dire. Oh, bah allez-y, dites-moi tout. Il aime pas travailler. Sans déconner? Non, il aime tout simplement pas travailler, c'est ça son problème. C'est vrai? C'est un truc terrible à dire à propos de son propre frère. Ah oui, alors. Ça lui fout les jetons, quoi. Ça lui fout vraiment les jetons. Oh, je vois le genre. Vous connaissez ce genre-là? J'en ai connu. Je veux dire, je voudrais qu'il s'émancipe un peu. T'as pas de soi, mon vieux. Quand on a un frère aîné, on veut le pousser en avant. On veut le voir faire son chemin. Je veux pas continuer à le voir se tourner les pouces. Hein. Il se fait du mal, rien de plus. Ah, ce que je pense. Bah oui, bah... Il veut pas se coller au boulot. Bah il aime pas le boulot. Le boulot lui fait peur. C'est bien ce qui me semblait. Vous connaissez ce genre de type, non? Moi? Ah, je connais le genre. Ouais. Ça, je connais le genre. J'en ai croisé quelques-uns. Vous comprenez, ça m'angoisse vraiment. Moi, je travaille, je suis commerçant, je possède ma propre camionnette. Ah, vraiment? Il était censé faire un petit travail pour moi. Je le garde ici pour qu'il fasse un petit travail. Bah, je sais pas, je dois finir par admettre que c'est pas un bosseur de première, hein. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ma foi, c'est un drôle de numéro, votre frère. Quoi? Je disais, c'est un drôle de... Quand même un drôle de numéro, votre frère. Drôle? Pourquoi? Ben, il est drôle. Qu'est-ce qu'il a drôle? De pas aimer travailler. Qu'est-ce qu'il y a drôle à ça? Oh, rien. Et moi, mais... je dirais pas que c'est drôle. Ah non, moi non plus. Mais... commencez pas à vous montrer trop critique. Non, mais hein. J'en avais pas l'intention, j'avais pas soyez pas trop désinvolte. Non, mais écoutez, tout ce que j'ai dit... La terre n'est pas des patrons. Alors, flonce. Écoutez, ah, j'ai une proposition à vous faire. J'envisage de reprendre toutes les affaires en main dans cette maison. Je crois que ça pourrait marcher de façon un peu plus efficace. J'ai un tas d'idées, tout un tas de projets. Ça vous dirait de vous installer ici en tant que gardien? Comment ça? Je vais être tout à fait franc avec vous. Je serais plus tranquille si je pouvais compter sur un homme comme vous, à demeure. Un homme de confiance qui pourrait garder un œil à droite et à gauche. Attendez-vous. Attendez une minute. J'ai encore jamais fait le gardien, vous savez. À mes yeux, vous semblez être le genre d'homme tout à fait capable. Je suis le genre d'homme tout à fait capable. J'entends par là, on m'a fait des tas de propositions à l'époque. Vous savez, il n'y a pas à sortir de là. Ouais, j'ai pu m'en rendre compte quand vous avez sorti ce couteau. J'ai bien vu que vous laisseriez personne vous chercher des noises. Ah ben, personne n'a intérêt à me chercher des noises, mon vieux. Ouais. Je veux dire, vous avez fait votre service, non? C'est quoi? Vous avez servi dans l'armée, ça se voit à votre allure. Mais ben, oui. J'y ai passé la moitié de ma vie, mon vieux. De l'autre côté des mers, genre sous les drapeaux, là. Ah, oui, moi. Aux colonies. Ah, bah, j'y suis allé. J'ai été un des premiers. C'est ça. Vous êtes exactement l'homme qu'il me faut. Pour faire quoi? Gardien. Oui. Bon. Attendez. Écoutez, qui est le propriétaire ici? Alors, lui ou vous? Moi, je suis le propriétaire. J'ai les documents pour le prouver. Bon, alors, écoutez, ça me dérange pas de faire un peu le gardien. Ça me gênerait pas de m'occuper des lieux pauvres. Oh, oh, bien sûr, il faut convenir d'un petit accord financier, mutuellement profitable. Bon, allez, je vous laisse circuler ça. Oh, merci. Ah. Il y a juste une chose. C'est quoi? Vous pouvez me fournir des références? Hein? Juste afin de rassurer mon notaire. Ah, ben... J'ai tout un tas de références. Descendre à Sidcup demain matin, c'est tout ce que j'ai à faire. Là-bas, je peux avoir toutes les références que je veux. Ça ? À Sidcup. Et il n'y a pas seulement mes références, là-bas, il y a aussi tous mes papiers, là-bas. Ah, mais je connais ce coin comme le fond de ma poche. Ben, je vais y descendre. De toute façon, il faut absolument que j'y aille, sinon je suis foutu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si nécessaire, on peut toujours se procurer ses références. Et je vous dis, je m'y rends incessamment sous peu. Ben, je devais y aller aujourd'hui. Mais j'attends une éclaircie. Ah. Ah, dites... Vous pouvez pas me trouver une bonne paire de chaussures, des fois. J'ai sacrément besoin d'une bonne paire de chaussures. Je peux aller nulle part si j'ai pas une bonne paire de chaussures, vous voyez. Vous pensez qu'il y a une chance de pouvoir m'en trouver une paire, hein? Bon, bah, alors on reste comme ça, quoi. Vous avez dit que vous vouliez que je vous réveille. Pourquoi ça ? Vous avez dit que vous pensiez aller à Sidcup. Ah, ouais. Ce serait pas une mauvaise chose que j'y aille. On dirait qu'il fait pas très beau. Ouais. Bon, ben alors, c'est rempli, alors. J'ai pas très bien dormi, une fois de plus. J'ai affreusement mal dormi. Mais vous faisiez des... Affreusement. Il a plu cette nuit, non? Juste quelques gouttes. Ah ben, bon, doutez, j'ai reçu d'eau sur la tête. En tout cas, j'avais ce courant d'air en plein sur la tête. On pourrait pas la fermer, cette fenêtre, derrière le sac. On pourrait. Ben alors, où est le problème alors? La pluie me tombe tout droit sur le crâne. On a besoin d'un peu d'air. Oui, ben écoutez, j'ai passé toute ma vie à l'air, mon petit vieux. Alors question air, vous pouvez rien m'apprendre. Je dis simplement une chose, il y a trop d'air qui rentre par cette fenêtre quand je suis en train de dormir. Non, ça devient vraiment étouffant ici quand la fenêtre n'est pas ouverte. Oui, mais écoutez, mais... vous écoutez pas ce que je vous dis. Cette saloperie de pluie, mon vieux, elle me tombe en plein sur le crâne. Ça me gâche mon sommeil. Pour attraper la mort avec ça, avec ce courant d'air, c'est tout ce que je dis. Vous avez juste qu'à fermer cette fenêtre et personne ne va attraper froid. C'est tout ce que je dis. Je pourrais pas dormir ici sur cette fenêtre ouverte. Oui, mais moi, dans tout ça. Quoi? Si vous faisiez l'effort de vous mettre un peu à ma place. C'est... Pourquoi vous dormez pas dans l'autre sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dormir avec les pieds du côté de la fenêtre. Ça avancerait à quoi? La pluie vous tomberait pas sur la tête. Mais non, je pourrais pas faire ça. Je veux dire que je me suis habitué à dormir de l'autre côté. C'est pas moi qui dois changer, c'est cette fenêtre. Ah, regardez, il pleut à présent. Regardez-moi ça, comment que ça tombe. Je crois que je vais aller faire un petit tour du côté de Goldrock Road. Pour parler à un type là-bas, il avait une table à découpe. On m'a plutôt semblé en bon état. Je crois pas qu'elle lui servait à grand-chose. Je crois que je vais aller y faire un petit tour. Mais regardez-moi ça, hein. Bon, ben, ma virée, ainsi que c'est foutu. Et si on la fermait maintenant, cette fenêtre, avant que ça rentre ici. Fermez-la un moment. Il y a quoi sous cette bâche dehors? Du bois. Pour faire quoi? Pour ma cabane. N'êtes toujours pas tombé sur cette paire de chaussures que vous deviez me trouver des fois? Ah oh non. Hein? Non, je vais voir si je peux vous en trouver une aujourd'hui. On va sortir par ce temps avec ça au pied quand même. Hein. On va me sortir pour aller me boire une tasse de thé. Il y a un café juste en bas de la rue. Mais, oh, ben, ça se fait bien là. Moi, j'y allais assez souvent. Il y a de ça des années maintenant. Mais j'ai arrêté. J'aimais bien cet endroit. Oh, j'ai traîné un sacré bout de temps. C'était avant mon départ, juste avant. Et je pense que c'est pas sans rapport avec cet endroit. Ils étaient tous bien plus vieux que moi, mais ils m'écoutaient toujours. Je croyais qu'ils comprenaient ce que je disais. Je veux dire, j'avais pris l'habitude de leur parler. Bon, je parlais trop. C'était ça l'erreur. Même chose à l'usine. L'ennui, c'est que j'avais comme des hallucinations. Mais c'était pas des hallucinations. C'était... J'avais l'impression que je pouvais voir les choses très clairement. Chaque chose était si claire, tout était... Tout devenait très calme. Tout était très silencieux. Toute cette quiétude et cette vision si claire, c'était... Bon, peut-être que je me trompais. Mais en tout cas, quelqu'un a dû dire quelque chose. J'étais au courant de rien. Et une espèce de mensonge a dû se mettre à circuler. Je trouvais que les gens commençaient à devenir bizarres dans ce café, à l'usine. J'y comprenais rien. Jusqu'au jour où ils m'ont emmené dans un hôpital à la sortie de Londres. Ils m'ont enfermé et posé des tas de questions là-bas. Ben, je leur ai dit, quand ils voulaient le savoir, quelles pensées j'avais en tête. Puis un jour, cet homme, je suppose que c'était un docteur, le grand chef, il m'a fait venir, il m'a expliqué que j'avais quelque chose. Il m'a dit qu'ils avaient terminé leurs examens, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a montré une pile de documents en me disant que j'avais quelque chose, une maladie. Il m'a dit... Non, c'est tout ce qu'il m'a dit. Vous voyez, vous avez cette chose, c'est ça, votre maladie. Et nous avons décidé, il a dit, que dans votre intérêt, on ne pouvait pas faire autrement. Il m'a dit... Je ne peux pas me rappeler exactement comment il me l'a présenté. Nous allons faire quelque chose à votre cerveau. Et il a ajouté, si on ne le fait pas, vous allez rester ici jusqu'à la fin de votre vie. Mais si nous le faisons, vous avez une chance. Vous pourrez sortir, il m'a dit, et vivre comme tout le monde. Vous voulez faire quoi à mon cerveau? J'ai demandé. Mais il m'a juste répété ce qu'il m'avait dit. Bon, je n'étais pas complètement idiot. Je savais que j'étais mineur, je savais qu'il ne pouvait rien me faire sans obtenir l'autorisation de ma mère. Alors, je lui ai écrit, je lui ai raconté ce qu'ils essayaient de me faire. Mais elle leur a signé leur truc, vous voyez? Elle leur a donné la permission. Ah, je le sais parce qu'ils m'ont montré sa signature quand j'ai mentionné l'histoire. Bon, cette nuit-là, j'ai essayé de filer, cette nuit-là. Pendant 5 heures, j'ai scié un des barreaux de la fenêtre de cette salle, pendant toute la nuit. Toutes les demi-heures, il braquait une torche sur les lits, mais j'avais tout bien minuté. Et alors que j'avais presque terminé, un type a eu une crise juste à côté de moi. En tout cas, je me suis fait prendre. Une semaine plus tard, ils ont commencé à se pointer et à faire ces trucs sur les cerveaux. On était tous censés y passer dans cette salle, un par nuit. J'étais dans les derniers et je pouvais voir très clairement ce qu'ils faisaient aux autres. Ils arrivaient avec ces... Bon, je sais pas ce que c'était. Ça ressemblait à des grosses pinces avec des câbles. Et ces câbles étaient reliés à une petite machine. Ça marchait à l'électricité. Il y en avait un qui maîtrisait le type et le chef, le docteur qui dirigeait les opérations, mettait les pinces en place, un peu comme des écouteurs. Il les plaçait de chaque côté du crâne. Il y en avait un qui s'occupait de la machine, vous voyez, il la mettait en marche et le chef avait juste à coller les pinces sur le crâne et à les maintenir en place. Ensuite, il les enlevait, il recouvrait le gars et... Il faisait gaffe de ne pas le toucher pendant un bon moment. Enfin, bref, mon tour a fini par arriver. Et la nuit où ils sont venus, je me suis levé et je me suis plaqué au mur. Ils m'ont dit de me recoucher. Et je savais qu'ils devaient me forcer à me coucher. Parce que s'ils me faisaient ça alors que j'étais debout, ils pouvaient me briser la colonne. Donc je me suis levé. Et ils sont avancés vers moi, à un ou deux. Bon, j'étais plus jeune à l'époque, j'étais beaucoup plus fort que maintenant. J'étais vraiment costaud. J'en ai étendu un et j'ai attrapé l'autre à la gorge. Quand tout à coup, le chef m'a foutu les pinces sur le crâne. Et je savais qu'il n'était pas censé faire ça pendant que j'étais debout. C'est pourquoi je... En tout cas, il ne s'est pas gêné. Si bien que je suis sorti de là, mais j'arrivais pas très bien à marcher. Je pense pas que ma colonne en avait pris un coup, non, ça allait parfaitement bien de ce côté-là. L'ennui, c'est que j'arrivais pas du tout à penser, j'arrivais plus à rassembler mes esprits. Et je pouvais plus entendre ce que les gens disaient. Je pouvais pas tourner la tête, ni d'un côté, ni de l'autre, je pouvais juste regarder droit devant moi. Parce que si je tournais la tête, je pouvais plus garder l'équilibre. Et j'avais ces espèces de migraines. Je restais assis dans ma chambre. C'était quand je vivais avec ma mère et mon frère. Il était plus jeune que moi. Normalement, j'aurais dû mourir, j'aurais dû y passer. En tout cas, maintenant, je me sens bien mieux. Et je parle plus aux gens, maintenant. Je me tiens à l'écart de tous ces endroits comme ce café, j'y vais plus jamais maintenant. Je parle plus à personne, comme ça. J'ai souvent pensé retourner dans cet endroit pour essayer de retrouver cet homme qui m'avait fait ça. Il faut d'abord que je fasse quelque chose. Il faut que je construise cette cabane dans le jardin. J'ai l'impression qu'il a fait quelque chose pour ses fissures. Vous avez vu ? On a été bien arrosés durant la semaine. Mais pas une seule goutte est tombée dans le seau. Il a du goudronner là-haut. Quelqu'un marchait sur le toit la nuit dernière. Ça devait être lui. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il a goudronné des trucs sur le toit. Il m'en a pas touché un mot, il me dit rien. Il me répond pas quand je lui parle. Il me donne pas de couteau. Il me donne pas de couteau pour couper mon pain. Comment je fais pour me couper une tranche de pain si j'ai pas de couteau? Bon, ben, y a pas moyen. Vous en avez un de couteau? Quoi? Un couteau, vous en avez un? Ben, j'ai un couteau. Bien sûr que j'ai un couteau. Mais comment vous croyez que je peux me couper une belle tranche de pain avec ça? C'est pas un couteau à pain. Bon, fait pour couper du pain. Je vais ramasser quelque part, je me rappelle plus où d'ailleurs. Non, mais ce que je veux... Je sais, ce que vous voulez. Bon, alors c'est comme cette cuisinière. Il me dit qu'elle n'est pas branchée. Comment je peux savoir qu'elle n'est pas branchée? Je suis là, je dors, juste à côté. Je me réveille au milieu de la nuit et j'ouvre les yeux en plein sur le four. Mon Dieu. En plein sous mon nez. Qu'est-ce que j'en sais? Ça pourrait exploser, ça pourrait me péter à la gueule. Il n'a pas l'air de prêter la moindre attention à ce que je lui dis. Hein. Je lui ai dit l'autre jour, vous voyez? Je lui ai dit, à propos de ces noirs, qui viennent d'un côté et qui servent des toilettes. Je lui ai dit que tout était sale là-dedans, que toutes les rampes étaient sales, qu'elles étaient noires, que les toilettes entières étaient noires. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est censé s'occuper de ça ici. Bah, il n'a rien trouvé à dire. Il n'a pas prononcé un seul mot. Il y a 2 semaines, il était assis là. Et il me tient un long discours. Il y a environ 2 semaines de ça. Un long discours qu'il me tient. Et depuis, plus un traître mot. Mais alors là, il ne s'arrêtait pas de parler. Hein. Tout juste si on le reconnaissait. Il ne me regardait pas. C'est pas à moi qu'il parlait, non. Il se soucie pas de moi. Enfin, il se parlait à lui-même. Hein. C'est tout ce qui l'intéresse. Je veux dire, vous venez me voir. Vous me demandez conseil. Tandis que lui, oh, c'est pas lui qui ferait ça. Hein. Je veux dire, on n'a aucune conversation, vous comprenez? Enfin, c'est quand même pas possible de vivre dans la même pièce avec quelqu'un qui n'a pas la moindre conversation avec vous. Je pige rien à ce gars-là, moi. Vous. Et moi, on pourrait faire tourner la boutique. Oui! Vous avez sans doute raison. Regardez tout ce que je pourrais faire ici. Je pourrais transformer ça en appartement de luxe. Par exemple, cette pièce, je pourrais en faire une cuisine. Belle dimension, jolie fenêtre, ensoleillée. Je verrais bien des carrés de lino. Bleu canard, des légèrement cuivrés, des façons parchemin. Je verrais bien le même genre de ton repris en écho sur les murs. Je ferais contraster les éléments de la cuisine avec des plans de travail gris anthracite. Suffisamment de place pour les placards à vaisselle. On pourrait avoir un petit placard mural, un large placard mural, un placard d'angle avec des étagères tournantes. Il ne faudrait surtout pas être juste en placard. On pourrait avoir la salle à manger de l'autre côté du palier. Vous voyez? Ouais! Store vénitien aux fenêtres. Parquet en liège. En dalle de liège. On pourrait également avoir une pile de plaides en lin blanc cassé. Une table en teck de Birmanie vernie. Un buffet avec des tiroirs d'un noir anti-reflet. Des sièges arrondis bien rembourrés. Des fauteuils recouverts de tweed couleur grège. Un canapé en hêtre avec des coussins tissés vert d'eau. Et une table basse, pourvue d'un revêtement blanc, résistant à la chaleur et bordée de faïence. Ah, ce serait pas un appartement, hein. Ce serait un palais. Eh ben, mon vieux, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. Un palais. Et qui habiterait là? Moi, mon frère et moi. Ben et moi alors? Tout ce bazar, ça sert à personne. C'est juste un tas de vieilles ferrailles, rien d'autre, un fourbi. On peut pas faire une maison avec ça, y a aucun moyen d'arranger ça, c'est de la merde. Mais il a pas l'air de s'intéresser à mes projets, hein. Voilà où ça coince. Pourquoi vous auriez pas une petite conversation avec lui pour voir ce qu'il en pense? Moi? Ah oui, c'est votre ami. Il est pas mon ami. Vous vivez avec lui dans la même pièce, non? Il est pas mon ami. On peut jamais savoir à quoi s'en tenir avec lui. Je veux dire, avec un gars comme vous, on sait où on en est. Je veux dire, vous avez vos propres façons d'agir. Je suis pas en train de dire que vous n'avez pas vos propres manières. Ça peut échapper à personne. Vous avez peut-être de drôles de manières, mais c'est la même chose pour tout le monde. Sauf qu'avec lui, c'est différent. Vous voyez? Vous me suivez? Je veux dire, au moins, avec vous, le truc avec vous, c'est que vous êtes... Sans détour! Mais c'est ça! Vous êtes sans détour! Ouais. Ah. Tandis que lui... On sait pas ce qui manigance, la plupart du temps. Il n'y a aucun sentiment. En attendant, j'ai besoin d'une pendule. J'ai besoin d'une pendule pour avoir l'heure. Comment je peux avoir l'heure si j'ai pas de pendule? Bon, ben, je peux pas, ben, je lui ai dit. Je lui ai dit, regardez pourquoi j'ai pas de pendule ici, que je puisse un peu avoir l'heure. Je veux dire, quand on n'a pas l'heure, on peut pas savoir où on en est. Là, vous me suivez? Bon, ben, alors écoutez. Voilà ce que je suis obligé de faire quand je fais un tour dehors. Je dois me débrouiller pour jeter un coup d'œil à une pendule et je dois garder l'heure en mémoire jusqu'à mon retour. Bon, ben, ça marche pas. Ça marche pas, je suis pas entré depuis 5 minutes que j'ai oublié. J'ai oublié l'heure qu'il était. Ah. C'est quand je suis à l'intérieur que j'ai plus la moindre idée de l'heure qu'il est. Non. J'ai vraiment besoin d'une pendule, ici, dans cette pièce. Et alors, ça me laisserait une petite chance. Mais, il ne veut pas m'en donner une. Il fait que me réveiller. Il me réveille en pleine nuit pour me dire que je fais des bruits. Enfin, franchement, j'ai bien envie de balancer ce que je pense à de ces quatre. Il vous laisse pas dormir. Il me laisse pas dormir. Il me réveille. Oh, c'est terrible. Enfin, je me suis retrouvé dans des tas d'endroits et on m'a toujours laissé dormir. C'est comme ça dans le monde entier. Sauf ici. Le sommeil est primordial. Je l'ai toujours dit. Mais comme vous dites, primordial. Alors je me lève le matin. Je suis lessivé. Je dois me remuer, j'ai des trucs à régler. Faut que je me tire d'affaire, je dois me débrouiller. Mais le matin, j'ai plus aucune énergie en moi. Et par-dessus le marché, j'ai pas de pendule. Ah oui. Écoutez, je me réveille le matin. Je me réveille le matin. Et il est là, en train de me sourire. Il reste là, sans bouger, à me regarder et à sourire. Je peux le voir, vous voyez? Je peux le voir à travers la couverture. Il enfile sa veste, il tourne en rond, il regarde en direction de mon lit et il a le sourire aux lèvres. Mais bon Dieu, mais à quoi il sourit comme ça? Qui sait pas? C'est que je le surveille à travers la couverture. Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas, je peux le voir. Il croit que je dors. Mais je ne quitte pas de l'œil une seconde à travers la couverture. Sauf que ça, il ne sait pas. Alors, il continue à me regarder et à sourire. Mais il ne se doute pas que je le vois. Son manège. Non! Ce que vous devez faire, c'est lui parler. D'accord? J'ai bien réfléchi à la question. Vous devez lui dire que nous avons des projets pour ici, qu'on pourrait construire qu'on pourrait démarrer les travaux. Ouais, vous savez, je pourrais très bien m'occuper de la décoration pour vous. Hein. Je pourrais vous donner un coup de main pour la refaire. Hein. Bah, juste vous et moi. Donc, vous habitez où maintenant? Moi? J'ai un petit truc, pas trop mal, hein, tout ce qu'il faut. Faudra venir boire un coup, un de ces quatre. Et écouter du Tchaïkovski. Non! Vous voyez? Vous. Vous êtes celui qui doit me parler. Ah, mais... Je veux dire... Vous êtes son frère. Ouais. Peut-être que je devrais. Ah. Restez où vous allez, c'est lui. Mais restez, mais où vous allez, c'est lui. Paire de chaussures. Quoi? Je vous en ai trouvé une paire. Essayez-les. Des chaussures. Quel genre? Elles vont peut-être aller. Non, elles vont pas. Elles vont pas. Non, c'est pas ma pointure. Mmh. Mais bon, alors écoutez, je vais vous dire quoi, elles vont aller. Hein? Voilà. Non. En juste, parce que je m'en retrouve une autre paire. Voilà. Mais il n'y a pas de lacets? Pas de lacets. Là, je peux pas les mettre si j'ai pas de lacets. Il y a avec les chaussures. Bon, alors écoutez, ça clôt le débat, non? Je veux dire, on peut pas garder ses chaussures au pied si on n'a pas de lacets. Le seul moyen de ne pas les faire si on n'a pas de lacets, c'est de se contracter le pied. D'accord? Bon, alors marcher en se contractant le pied, d'accord. Sauf que c'est pas bon pour le pied. Ça occasionne une mauvaise tension sur le pied. Quand on attache les chaussures correctement, on a moins de chances de s'attraper une contracture. J'en ai peut-être quelque part. Vous avez suivi mon raisonnement? Ah, voilà. Ils sont marrons. C'est tout ce que j'ai. Les chaussures, elles sont noires. Bon, allez, alors mettons que ça ira. Jusqu'à ce que je m'en procure une autre paire. Peut-être qu'elles me descendront jusqu'à Sidcup demain. Ah, si j'y arrive, je vais pas tarder à me reprendre. On m'a proposé un bon job. Le type qui me l'a proposé, c'est... Il est bourré d'idées. Hein? Ah, il a plutôt un bel avenir devant lui. Mais il veut mes papiers. Vous voyez? Il veut avoir mes références. Alors, il faut d'abord que je descende à Sidcup pour les récupérer. C'est là-bas qu'ils sont, mes papiers. Ah. Le problème... C'est pour y arriver, la Sidcup. La météo est à mort contre moi. Je sais pas si ces chaussures vont tenir le coup. Hein. C'est que la route est longue, vous savez. Très longue. Oh oui. Me la suis déjà coltinée. Dans l'autre sens, notez. Mais la dernière fois... que je me suis rendu là-bas, c'était... Oh, la dernière fois. Ah, c'était pas hier. La route était mauvaise. Il pleuvait à saut. Une chance que je sois pas mort au cours de ce périple. Ah, mais... J'y suis arrivé, hein, j'ai continué tout du long. Oui, j'ai continué tout du long. Oh. Oh nom de Dieu, ce fils de pute, il m'écoute même pas. Oh, c'est... Oh, oh, oh, oh. Ça ne va pas sur toi, hein, là. Je ne peux pas savoir si oui, non, parce que moi, oui, oui, on va être pas sûr. Ouais, je ne sais pas, tu sais. Hein, Hey! Arrêtez ça, d'accord? Je peux pas dormir! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faites des bruits! Je suis un vieil homme! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'arrête de respirer? Faites des bruits! Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'arrête de respirer? Je crois que je vais prendre un peu l'air. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Ah, je vais vous dire, mon gars. Je suis pas surpris qu'il vous ait enfermé. Pour réveiller un vieil homme au milieu de la nuit. Faut être moitié cinglé, ma parole. Je serais pas débrouillé si vous me lâchiez un peu avec ça. Comment je peux avoir un sommeil paisible si vous me les cassez tout le temps? On se les gêne tellement ici que je dois garder mon pantalon pour dormir. J'avais encore jamais fait ça de ma vie, mais ici, j'ai pas le choix. Hein? Tout ça. Que vous n'êtes pas foutu d'installer un putain de chauffage. J'ai assez d'être traité de la sorte. En tout cas, moi, personne ne m'a jamais enfermé nulle part. Je suis sain d'esprit, moi. Hein? Alors, commencez pas à m'emmerder. Tout ira bien tant que vous resterez à votre place. Alors, restez-y, c'est tout. Parce que je peux vous dire... Votre frère vous a à l'œil, hein? Il sait tout à votre sujet, votre frère. Ah, j'ai un ami ici, vous inquiétez pas pour moi, j'ai un ami. Un vrai? Me traiter comme un chien. Mais pourquoi vous m'avez invité ici d'abord, si c'est pour me traiter comme ça? J'en ai entendu assez, hein? Ils vous ont déjà enfermé une fois, ils peuvent recommencer. Ils peuvent très bien vous flanquer les pinces sur le crâne, mon Dieu. Ils pourraient vous les rebrancher un coup. N'importe quand, ils attendent le signal, c'est tout. Ils régleraient votre pas une fois pour toutes. Ils auraient qu'à poser un œil sur tout ce foutoir au milieu duquel je dois dormir. Ils sauraient aussitôt que vous êtes un branleur. Ouais. La plus grande erreur qu'ils ont commise de vous à moi, c'est que vous avez laissé sortir. Personne ne sait ce que vous fabriquez, vous entrez, vous sortez, personne ne sait ce que vous combinez. Bon, ben, personne ne se paye ma tête très longtemps. Hein? Vous pensez que j'allais faire votre sale boulot? Ah ben, vous feriez mieux d'oublier. Mais vous croyez que je vais faire le sale boulot du haut des marches jusqu'en bas, juste pour avoir le droit de me retrouver chaque nuit accouché dans ce trou crasseux? Infect! Pas moi, petit! Pas pour vos beaux yeux, mon bonhomme! Mais vous savez même pas ce que vous faites la plupart du temps. Vous êtes dans le potage! Hein? Vous êtes complètement barré! Ça se voit au premier coup d'œil! Qui vous a jamais vu me refiler une pièce? Hein? Me traiter comme un putain d'animal, je me suis jamais retrouvé chez les dingues, moi. Allez, hop. Arrêtez un peu votre cinéma, mon pote. J'ai ce truc en main, m'en suis déjà servi, alors arrêtez votre cinéma. Hein? Faites gaffe à ce que vous faites. N'approchez pas. Je crois que vous feriez mieux de trouver un autre endroit. Je crois qu'on s'entend plus. Trouver un autre endroit? Oui. Moi. C'est à moi de vous parler. Hein? Pas moi, l'ami. Vous. Quoi? Oui, vous. C'est plutôt à vous de vous trouver un autre coin. Je vis ici. Pas vous? Pas moi. Écoutez, je vis ici. On m'a proposé un boulot, ici. Oui. Bon, je crois que vous faites pas l'affaire. Pas l'affaire? Ah ben, je vais vous dire. Alors, il y a quelqu'un ici qui pense que je fais l'affaire. Je vais vous dire. Je reste ici en tant que gardien. Pigé, votre frère, il me l'a dit. D'accord? Il m'a dit que le boulot était pour moi. Pour moi, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Je vais être son gardien. Hein. Pas ça. Mon frère? Il va s'installer ici. Il va prendre les choses en main. Et je reste. Écoutez, si je... Si je vous donne un peu d'argent, vous pourrez aller à Sidcup. Allez plutôt vous occuper de votre cabane. Un peu d'argent. Alors que je peux avoir un salaire régulier, allez plutôt vous occuper de votre cabane puante. Faites donc ça. C'est pas une cabane puante. C'est propre. Rien que du bon bois, je vais la coustre, y a pas de problème. Approchez pas! Vous n'avez aucune raison d'appeler ça une cabane puante! C'est vous qui puez! Quoi? Ça pue ici, à cause de vous! Oh, mon de Dieu! Vous osez dire ça? Ça fait des jours! C'est pour ça que je peux pas dormir. Entre autres, balancez ça! Vous me balancez que je pue! Ça aurait mieux de partir! Je vais te faire puer, moi! Ordure! Ben, je vais te faire puer, moi! Allez, vous en faire! C'est impossible, c'est à moi, vous n'avez pas le droit! Attendez, attendez un peu, votre frère! Il va vous régler votre corps! Me balancez ça! Me balancez que je le tue! Mais personne ne m'avancera jamais bien qu'une paille! Vous allez regretter de m'avoir dit ça! Vous n'avez pas fini de m'entendre gronder! Vous allez regretter de m'avoir dit ça! Je sais maintenant en qui je peux avoir confiance! Ça. Puis, moi je vous répète ce qu'il m'a dit, hein, que je pue. Vous entendez ça? Voilà ce qui m'a sorti. Exactement. Ce qui m'a sorti. Vous puez pas. Ben, manquerait plus que ça. Si vous aviez pué, j'aurais été le premier à vous le dire. Mais je l'ai prévenu que vous alliez venir pour vous occuper de son cas. Mais c'est pas le truc qu'il a mis en branle en faisant ça, en me faisant ça à moi. Je lui ai dit, il va arriver, votre frère va arriver, et c'est quelqu'un de sensé, pas comme vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Vous êtes en train de me dire que mon frère a pas toute sa tête? Quoi? Non, bah, ce que je dis, c'est que vous avez des idées pour ici, pour toute cette décoration. Non? Je veux dire, mais il n'a aucun droit de me commander. Je reçois des ordres uniquement de vous. Je fais le gardien pour vous. Mais je veux dire, vous me prêtez attention. Vous ne me traitez pas comme un moins que rien. Mais vous et moi, on le voit tel qu'il est. Mais qu'est-ce qu'il a dit alors quand il a appris que je vous proposais ce boulot de gardien? Ah ben il a dit Il a dit quelque chose comme quoi il vivait ici. Ah, là, il marque un point. Un point, hé, hey, c'est votre maison, non? Il vit ici avec votre permission. C'est vrai, je pourrais lui dire de partir, j'imagine. Mais c'est exactement ce que je dis. Et je pourrais lui dire de s'en aller. Je veux dire, je suis le propriétaire. Ah. D'un autre côté, il est le locataire en place. Lui donner congé, vous voyez ce que c'est un problème technique. Voilà ce que c'est. Tout dépend comment vous considérez cette pièce. Je veux dire, par là, tout dépend si on considère que cette pièce est meublée ou non. Vous me suivez? Non. Non, je vous suis pas. Hein. Vous voyez ces meubles-là? Tout est à lui, en dehors des lits, bien sûr. Donc, nous nous trouvons face à un problème juridique assez ardu. Je veux dire ce qui est. Moi, je vous dis, il devrait retourner d'où il vient. D'où il vient? Ah oui. Mais il vient d'où? Ah ben des... Bref. Vous perdez un peu pied quelquefois, non? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je suis partant pour qu'on commence à retaper cet endroit! Voilà ce que je voulais entendre! Ouais, je suis partant. Mais vous avez intérêt à être aussi bon que ce que vous prétendez. Vous voulez dire quoi, au juste? Bah, vous dites que vous êtes un décorateur d'intérieur, vous avez intérêt à en être un bon. Un bon quoi? Comment ça, un bon quoi? Un décorateur? Un bon décorateur d'intérieur? Moi? C'est quoi ce soir? Mais j'ai jamais touché à ça. J'ai jamais été ça. Vous avez jamais été quoi? Oh ben non! Pas moi, mon vieux. Je suis pas un décorateur d'intérieur. Il y a erreur sur la personne. Mais comment ça, il y a erreur sur la personne? Vous êtes le seul à qui j'en ai parlé. Vous êtes le seul à qui j'ai confié mes rêves, mes désirs les plus intimes. Vous êtes le seul à qui je me suis confié à vous. Non mais écoutez, alors vous voulez dire que vous soyez pas capable de mettre en place des carrés de lino bleu canard? Des légèrement cuivrés, des façons parchemin, de retrouver ces teintes en écho sur les murs. Mais écoutez, vous avez. Vous seriez pas capable d'inclure au décor une table en teck de Birmanie vernie et un canapé en hêtre avec des coussins tissés vert d'eau? J'ai jamais dit ça! Mon Dieu! J'ai dû partir sur une fausse impression. Mais je l'ai jamais dit! Vous êtes un putain d'imposteur, mon vieux! Mais écoutez, vous pouvez pas dire de telles choses sur mon compte! Vous m'avez engagé ici comme gardien, je suis sur le point de vous donner un coup de main pour un petit salaire, mais j'ai jamais rien dit à propos de ça, j'ai commencé à me refiler des noms, là. C'est quoi votre nom? Oh bah, oh bah non, mais recommencez pas avec ça! Non, quel est votre vrai nom? Mon vrai nom, c'est Davis. Et le nom sous lequel vous circulez? Jenkins. Vous avez deux noms, hein? Et pour le reste? Allez, maintenant dites-moi, pourquoi vous m'avez raconté toutes ces salades comme quoi vous étiez décorateur d'intérieur? Je vous ai rien raconté du tout, vous voulez pas écouter ce que je vous dis? C'est lui qui vous a raconté ça. C'est votre femme qui a dû vous raconter ça, il est dingue. Il raconte n'importe quoi par méchanceté, il est cinglé, il est complètement barré. C'est lui qui vous a raconté ça. Comment vous avez appelé mon frère? Quand ça? Il est quoi? Non, bon, bah entendons-nous. Cinglé? Mais qui est cinglé? Vous avez dit que mon frère était cinglé. Mon frère? Mais c'est un peu... C'est un truc un peu impertinent à dire, non? Mais il le dit lui-même! Quel homme étrange vous faites! Vous êtes vraiment un homme étrange. Depuis que vous avez mis les pieds dans cette maison, mais tout va de travers. Je peux rien prendre de ce que vous dites pour argent comptant. Chaque mot que vous prononcez peut revêtir toutes sortes d'interprétations. Vous êtes d'un tempérament violent, instable, vous êtes complètement imprévisible. Au fond, vous n'êtes qu'un animal sauvage. C'est un grossier personnage. Et cerise sur le gâteau, vous puez du trou du cul jusqu'à la gueule. Regardez-moi ça. Vous arrivez ici en vous recommandant comme décorateur d'intérieur. Fort de quoi je vous engage. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Vous me pendez un long discours sur toutes les références que vous avez ramenées de Seed Cup. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? Moi, j'ai pas remarqué votre expédition à Seed Cup pour aller les chercher. Eh ben, c'est bien regrettable. Il semble que je sois contraint de ne plus vous engager comme gardien. Voilà 5 shillings. Bon. Alors, d'accord. Faites ça. Hein. Faites donc ça, si c'est ce que vous voulez. Mais c'est ce que je veux! On pourrait croire que cette maison est la seule chose dont je dois me soucier, hein. Mais il y a plein de choses dont je dois me soucier. Il y en a toute une liste. J'ai ma propre affaire à développer, moi. Et je dois songer à m'agrandir, hein, dans toutes les directions. Je reste pas les bras croisés, moi. Je me remue toute la sainte journée, hein. Je me remue tout le temps. Je vais pas me fracasser pour cette maison, non. Ça m'intéresse pas. Mon frère, il peut s'en occuper, il peut la retaper, il peut la redécorer, il peut faire ce qu'il veut avec, et ça me gêne pas. Je pensais lui rendre service en le laissant vivre ici. Il a ses propres idées, mais qu'il les ait. Je laisse tomber. Et moi, alors... Oh. Écoute, je suis juste revenu pour ma pipe. Ah oui. Oui. J'étais parti et à mi-chemin, je me suis soudain aperçu, vous voyez, que j'avais oublié ma pipe. Alors, je suis donc revenu la chercher. C'est pas la même prise, hein, que vous êtes en train de... Vous n'êtes toujours pas venu à vous, hein? Enfin, si vous persévérez, à mon avis, vous allez sûrement... Écoutez, vous vouliez pas dire ça, non? Comme quoi, je puais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez été sympa avec moi, hein? Vous m'avez amené ici, vous m'avez pas posé de questions, vous m'avez offert un lit. Ah, vous avez été un bon copain pour moi. Écoutez, j'ai réfléchi pourquoi je faisais tous ces bruits. C'était à cause du courant d'air. Vous voyez, je l'avais en plein sur moi pendant que je dormais, ça me faisait faire des bruits, sans vous m'en rendre compte. Donc, j'ai réfléchi. Ce que je veux dire, c'est que si vous me donniez votre lit et que vous preniez le mien, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, hein, c'est le même genre de lit. Donc, si je pouvais avoir le vôtre, vous, ça ne vous gêne pas. Vous dormez dans n'importe quel lit. Donc, vous prenez le mien, je prends le vôtre, et comme ça, tout sera au poil. Je serai à l'abri du courant d'air, vous voyez, et vous, enfin, je veux dire, vous ça ne vous gêne pas, un peu de vent, hein? Vous avez besoin d'un peu d'air, enfin, ah ben ça, je peux le comprendre, hein. Vous vous êtes retrouvé dans cet endroit, à l'époque, avec tous ces docteurs, hein, et tout ce qu'ils vous ont fait, enfermé entre quatre murs. Hein. Je connais ces coins-là, vous voyez, trop chaud, vous voyez, il fait toujours trop chaud. Mais j'ai jeté un coup d'œil une fois, j'ai failli suffoquer. Moi. Alors, j'estime que c'est le meilleur moyen. On échange les lits, et comme ça... On pourrait revenir à ce qu'on disait. Je m'occupe de la maison pour vous. Je la surveille pour vous. Pour vous, hein, Genre, pas pour l'autre, là. Hein? Non, pas pour votre frère, vous voyez, bah non. Pas pour lui. Pour vous, je suis votre homme. Vous n'avez qu'un mot à dire. Rien qu'un mot à dire. Vous en pensez quoi de ce que je viens de vous dire? Non. J'aime bien dormir dans ce lit. Mais vous comprenez pas ce que je vous dis. D'ailleurs, celui-là, c'est celui de mon frère. Celui de votre frère? Chaque fois qu'il dort ici, celui-là, c'est le mien. C'est le seul lit dans lequel je peux dormir. Mais il est parti, votre frère. Il a fichu le camp, votre frère. Non. Je pourrais pas changer de lit. Vous comprenez pas ce que je vous dis. De toute façon, je vais être occupé. Il faut que je construise cette cabane dehors. Si je commence pas maintenant, elle sera jamais finie. Tant qu'elle sera pas finie, je pourrai rien faire d'autre. Je peux rien faire. Mais je vais vous donner un coup de main pour votre cabane. Voilà ce que je vais faire. Je vais vous donner un coup de main. On va la construire ensemble, cette cabane. Vu, elle sera de vous en un clin d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je peux la construire tout seul. Non, mais écoutez, moi, je suis avec vous. Je serai là. Je ferai ça pour vous. On va la construire ensemble. Mais bon Dieu, il y a du qu'à changer de livre. Ça veut dire que vous me virez? Vous pouvez pas faire ça. Hein? Écoutez-moi. Écoutez-moi, mon vieux. Je m'en fiche. Vous voyez? Je m'en fiche. Je vais rester. Je m'en fiche. Je vais vous dire quoi? Si vous voulez pas changer de lit, on a qu'à rester comme ça. Je vais rester dans le même lit. Hein? Peut-être que je peux mettre la main sur de la toile de sac un peu plus épaisse, genre devant la fenêtre pour arrêter ce courant d'air. Et ça ira. Mais qu'est-ce que vous en dites? On marche comme ça? Non. Pourquoi pas? Vous faites trop de bruit. Mais regardez. Écoutez-moi, je veux dire, je vais faire quoi? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Si vous voulez que je parte, vous n'avez qu'un mot à dire. Hein. Je vais partir. Mais je vais quand même vous dire. Ces chaussures que vous m'avez données, mais elles sont très bien. Hein. Mais elles me vont très bien. Peut-être que je vais pouvoir... Que je vais pouvoir aller. Écoutez-moi, mon vieux. Si je pouvais récupérer mes papiers, vous seriez d'accord? Hein? Vous seriez d'accord? Si je récupérais. Hein? Sous la direction de François-Xavier Roth, l'Orchestre de Bretagne se produit dans Au clair de la lune, après le journal de la nuit.